Vous serez toujours ce qui va, ce que j'attendais, ce qui ne vint plus miroité par mes peurs, ce qui revint un jour au milieu des tempêtes, le seul ray de soleil dans les milliers de siècles. Vous serez toujours pendu à quelque arbre de ma nuit, le complice éphémère qui a reçu un nom. L'envers de la monnaie, où la peine s'est jetée, où le parfum de vivre, un moment irradié. Vous serez toujours un doigt de ma main morte, un soupir malmené qui peut vous incendier, l'espoir retenu comme un souffle nouveau, un cœur d'adolescent. Vous serez toujours l'allié de mon rêve, la porte qui m'engloutit, et je ne sais pourquoi, l'étoile qui m'avale. Vous serez toujours ma question qui vous perche. Je ne veux pas vous perdre, mon ami. Vous manquez à ma vie.